bientôt hypnotisé avec tout cet attirail augmenté de miroir. Mes paupières sont lourdes, je sens que je vais perdre le contrôle et que je vais m'endormir. Au compte de trois, je vais entrer en transe. 1, 2, 3. Je pénètre à l'intérieur de mes propres boyaux. Je glisse dans mes propres conduits internes. Je visite mes cellules. Je leur souhaite une très bonne journée. Voilà, tout à coup, je suis devenu un éléphant.